Salon Star chez le roi Mabi à Londres. Version originale chez Mère Eve. Restaurant Fulangenge chez Mère Malou. La référence boulevard de Star chez Mama Sagi Charoufa. Compagnon petit José, compagnon petit José. Ils savaient sous-estimer l'ampleur de la bataille. Enfin, le combat, c'est ça. Jean Picho Macho Man à Londres, Naleli, Yves Ndekola Nanga, Roi Mabie, Micho Kalala Nanga, Jam Jamoule, Riva Menga Nanga, Héros dans l'ombre, Bruno Matadi Nanga, J.R. Collier, Quai d'Orsay. Papito, papito, papito, papito, papito, mbala. Dade mpoko nanga, fijase kabungu, ipo tumse nanga. Tens maye mbae, pacho moluba nanga. Chale chamba, Damien di monekene nanga. Papa na brandone, Jennifer. Acá. Elisa Lilian. Hey, mama, Elisa, qui n'a pas la salle, et que n'a pas mon fils, Bani, n'a pas la salle, qui pense à l'île. Mon balango a salé, mon balango a salé ensemble. Papito, hom, balao. Bongo pesa kama ele te kasima ele pesa kambongo. Bongo pesa kama ele te kasima ele pesa kambongo. Jean-Marie Lorero, tale langa limpambo. Jean-Marie Lukulasim, tale langa limpambo. André Kipingao, tale langa limpambo. Charles Dangueo, tale langa limpambo. Echele marabo. La vie qui pétit. Si comme mon ama, Didier dit tout dit. Bolingo Koyen, Zambé Akela, Jean-Willy Bikawa, J.P. Monte Parambona. Bolingo Koyen, Bruno Matadin, Serge Mefaro, Beli Lacero, Igo Bakombam, Patrick Mukuna, Lukula Sihemili. Samusu, Mando Pula, Miguette Mbomba Bela. Sanga Iwabwe. Zika.